sur la galère, mon pote. Ah. Encore une journée de baiser, comme ta boîte à cash. Lève à 15 du mat, fonce dès de la veille. La tête noyée dans les vapeurs d'une tape-up. J'ai le syndrome de la test, à trop chamouli comme le junkie à la cesse. Putain, du sang sur ma veste. Hier j'ai dû baiser un frère, c'est le syndrome de l'inceste. Et faut que je me bouge, RTV sur Paris. Poser un couplet pour une compile de merde, sa mère, j'ai trop la flemme. Et puis le rap maker, y'a comme un goût de piste. C'est soit je me crache ou je décolle vu que je suis en bout de piste. Je suis là à regretter l'école, la belle époque, c'était cool, piste. Poser. L'avenir n'a rien de bon à proposer. Comme une soirée avec une meuf indisposée. La vie sans cash, c'est comme un once mal dosé. Ça sert à rien que personne t'enfant à causer. Ah merde, en plus j'ai trop la tâte. Je suis en galère et dans le frigo y'a rien à crailler. Alors j'allume une première clope avant de filer dans le bloc. Rejoindre mon pote au quête plat. Mon frère de l'air gars avec qui je traîne. Les flics nous dévisagent, je sais pas pour qui se prennent. Ces enculés de leur mère donnent la migraine. Alors je les baptise dans ma langue maternelle. Solidarité fraternelle. Mais je suis pas un acteur et je sais bien que la vie c'est pas un film, même si l'Oscar m'irait bien. Il me faut du cash pour la mama qui tape grave la dope du Panama. Parce que la haisse y'en a marre. J'ai l'inventaire de mes poches, y'a rien, je suis raide. J'ai la fortune que n'importe quelle meuf fuirait. L'avenir est troué comme ma paire de Dodger. Capitaine dans l'équipe que la Zermi a coaché. Devant la banque, je suis scotché. Des yeux gars qui est rêvé. Quoi ça sert si au final tu finis fauché. En bois des blocs, ça pose. Les stupéfiants trop la côte dans l'ambition des sales gosses. Renoir, alors l'alcool qu'on la pire à l'occasion. On va tous y passer comme dans vide à l'Oka. Comme dans une prise d'otage. Avec tous des flics en pilotage. Ça va défourer salement à passe de pilonnage. Ouais, gros. J'enchaîne les ouinches comme les pleins pros. J'suis pas un type matérialiste, mais j'suis 10 fois plus beau dans un mercotype. Du délinquant, trafiquant, puis graveur de narcotiques. Intérieur cuir, jante alu. Avec le mauvais œil, les gens t'allument. Vu qu'ils n'ont pas de couilles, j'veux voir l'Afrique sans le palu. Forte, faire la guerre à ses ports. Jusqu'à ce que le colon vienne à reconnaître ses torts. Mais on n'a rien sans effort, alors on clame haut et fort. Que la vie est dure, mais on est tous dans les cordes. En vérité, c'est dans l'au-delà que ta se placera mérité. Alors j'me fais à l'idée. Mon héritage sera bien plus lourd que celui du fils de Alité. Bâtard, tu veux du son, je te sors de la qualité. Faut pas confondre la concurrence avec la rivalité. Car on joue pas dans la même cour comme la Ligue 1 avec le PSG. T'es à la classe, ton flow RSV. J'ai bon équipe en Hollande, mais rien à voir avec l'Ajax d'Amsterdam ou celle du PSV. On va te foncer comme un tox niqué au LSD. Les mythomanes sont dangereux, c'est pire que les MSD. On a nos propres amours propres, t'as beau nous détester. J'ai un quartier d'enculé que nul ne pourra tester. Et mon fusil pour avocat au cas où tu veux protester, ouais gros. T'as le choix dans la street négro. Les flingues ou la côte, le fric ou la tôle. Le sevi ou le crime dans la peau, ouais c'est chaud. En bref tous prêts à mener l'assaut, ouais c'est chaud. Mais moi j'm'en bats les couilles mec, moi j'm'en bats les couilles négro. J'm'en bats les couilles ouais gros. J'ai les gros depuis type j'ai les gros. Dans mon bloc on est trop. Avec des trous dans les poches négro. T'as le choix dans la street négro. Les flingues ou la côte, le fric ou la tôle. Le sevi ou le crime dans la peau, ouais c'est chaud. En bref tous prêts à mener l'assaut, ouais c'est chaud. Mais moi j'm'en bats les couilles mec, moi j'm'en bats les couilles négro. J'm'en bats les couilles ouais gros. J'ai les gros depuis type j'ai les gros. Dans mon bloc on est trop. Avec des trous dans les poches négro. Ouais, 23h30. Rien à faire. Posé sur la barrière. J'attends les refrains.